force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Depuis longtemps, tu es en justice, parce qu'il y a des gens qui cherchent à te ravir ta parcelle, ta maison. J'aimerais te dire que ce problème est un problème spirituel. Il y a les forces des ténèbres, il y a ceux qui ont fait des fétiches, qui ont fait des incantations pour te ravir ta maison. Mais j'aimerais te dire que Jésus-Christ, il s'est levé pour toi et tu vas triompher, quel que soit ce qu'ils font. Prends courage, parce que Jésus-Christ est ton avocat et tu vas triompher. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB, opération sous la brèche. Romains chapitre 2, versets 1 à 10. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Notre passage d'aujourd'hui, c'est Romains 2, 1 à 10. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu au homme qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur les Juifs premièrement, puis sur les Grecs. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour les Juifs premièrement, puis le Grec. Amen. Nous allons partager trois grandes vérités tirées de ce passage. La première vérité, c'est que nous devons nous abstenir d'être des juges des autres. Chacun devrait être le juge de soi-même. Tu devrais te juger toi-même. Toi qui as l'habitude toujours de juger, de critiquer les autres. Celui-là, il est mauvais. Celui-là, il fait ceci. Mais tu juges les autres pendant que toi-même, tu commets les mêmes choses. Écoute-moi bien. Notre standard, c'est Jésus. Ce n'est pas les autres. Je parle à toi, mon ami. Toi qui dis à ton ami, toi tu exagères, tu as trop de copines, tu en as plus de 3, tu en as plus de 5, mais moi je suis mieux parce que je n'ai qu'une seule copine, mais tu es marié, tu ne devais même pas avoir de copine. Est-ce que tu comprends? Donc tu penses que celui qui a 5 copains ou 5 copines, il est plus grave que toi. C'est-à-dire, tu juges les autres pendant que tu fais la même chose, tu vois. Donc, il fallait que tu puisses faire l'introspection de ta propre vie, au lieu de te mettre à juger les autres. Pour toi, c'est toujours les autres qui sont mauvais. Est-ce que tu comprends? Je vais parler à un couple. Écoutez-moi bien. Le problème que vous avez avec votre femme, c'est quoi? C'est que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres fautes, de regarder ses péchés, chacun regarde l'autre, c'est un diable. C'est toi qui es diable. Le problème de votre foyer, chacun ne veut pas reconnaître sa place. Chacun ne veut pas reconnaître ses propres péchés, ses propres fautes. Donc tu ne vois que le mal de l'autre. Hein, ma soeur, pour toi c'est toujours ton mari qui est fautif. C'est à cause de toi, à cause de lui que tu ne t'épanouis pas. Toujours tu ne fais que l'accuser. Mais toi-même là, tu ne regardes pas dans ta propre vie ce qui fait que ton mari lui-même est arrivé à sortir maintenant au dehors. Tu vois? Et toi, le mari, avant de commencer à juger ta femme, oh voilà, tu ne prépares pas bien, tu ne fais pas ceci, tu ne t'habilles pas bien, tu dois te poser la question, est-ce que moi je joue mon rôle? Est-ce que je lui donne la popote? Est-ce que je lui donne l'argent qu'il faut pour acheter les habits qu'il faut? Vous voyez? Donc, il faut t'abstenir de juger les autres. Il faut que toi-même, tu puisses te juger. Vous voyez? Il dit ici au verset 1, « Oh homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » Et il dit que nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Deuxième vérité concerne Dieu. Nous devons savoir qui est notre Dieu. Ces textes nous révèlent certains attributs de Dieu et les conséquences qui devraient s'en suivre. Premièrement, Dieu est bon. Il est bon. Chaque fois, beaucoup de gens aiment chanter la bonté de Dieu. C'est vrai, Dieu est bon. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui nous veut du bien. Il est bon. Il est patient et longanime. Mais il y a des gens qui abusent de sa patience. C'est pourquoi parfois, il y a des gens qui viennent dans l'église, qui font semblant, qui commettent des péchés, ils vivent dans l'immoralité, ils vivent dans la duplicité, dans le vol, dans le mensonge, dans l'occultisme. Ils pensent que Dieu ne sait pas. Mais Dieu tolère pour un temps. Parce que Dieu est encore patient. Je parle à quelqu'un. Ça fait longtemps que tu pratiques les œuvres de sorcellerie et tu te dis que tu es chrétien, tu te dis que tu es diacre, diaconesse. Tu n'as pas encore abandonné ces choses-là. Tu es dans le mysticisme la nuit et la journée tu viens à la messe. Mon ami, Dieu te donne encore un temps de patience avant qu'il ne soit trop tard. Répands-toi de ces choses-là parce que sinon la colère de Dieu risque de s'abattre sur ta vie. Il est patient, vous voyez? C'est pourquoi il dit, sa bonté devrait nous pousser à la repentance. Il ne faut pas abuser de la patience divine, de la bonté divine. Vous voyez, il est dit au verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Si Dieu ne t'a pas encore frappé, si Dieu te laisse encore en vie malgré les désordres que tu mènes, c'est parce qu'il t'aime, il est bon. Il te donne du temps pour que tu puisses te repentir avant qu'il ne soit trop tard. Ne continue pas avec la vie que tu mènes, mon frère. Ne continue pas avec la vie que tu mènes, ma sœur. Comment se fait-il que toi, une femme mariée, tu fais des bêtises? Tu vis avec beaucoup. Tu sors avec ton chef. Tu sors avec un jeune encore que tu fais venir à la maison. Tu dis que c'est ton cousin. Tu penses que Dieu ne voit pas ça? La bonté de Dieu doit te pousser à la repentance. Après, quand ton mari va se gâter, tu vas dire, non, moi, je ne sais pas, il y a la sorcellerie dans ma famille, des blocages, alors que c'est toi-même, tu vis dans le péché. Troisième, toujours sur la vérité concernant Dieu, il est un juste juge. C'est-à-dire, lorsqu'on se repent, on est exempt du jugement. Mais lorsqu'on s'endurcit dans le péché, sa colère s'abat. Vous voyez, c'est ça. Dieu juge chacun selon ses œuvres. Ça, c'est important. Il est dit ici au verset 6, « Qui rendra à chacun selon ses œuvres ?» Dieu rend à chacun selon ses œuvres. C'est quelqu'un qui est juste et il exerce sa justice de manière impartiale. Donc, faisons attention. C'est pourquoi il est dit au verset 5, « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour les jours de colère de la manifestation du juste jugement de Dieu. » Troisième vérité concerne les deux destinées possibles de l'humanité. Première destinée, c'est la vie éternelle, c'est la gloire et l'honneur. Lorsque toi tu fais le bien, tu choisis Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, eh bien ta destinée c'est la vie éternelle. C'est ce que l'apôtre Paul ici l'exprime dans d'autres termes en utilisant le bien. Il dit au verset 6 qu'il rendra à chacun selon ses œuvres. Verset 7, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Bien faire ici veut dire croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur, parce que c'est en lui que nous sommes justifiés. C'est en croyant en Jésus que nous avons la vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Par contre, pour ceux qui persistent dans le péché, dans le mal, la destinée c'est quoi? C'est la damnation éternelle, la condamnation, la tribulation, l'angoisse. Le verset 8 dit, « Mais l'irritation et la colère à ceux qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice, tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal sur les Juifs premièrement, puis du Grec. » Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais ce matin que nous puissions dire merci à ce Dieu-là qui nous parle parce qu'il nous aime. Disons-lui merci pour sa bonté, pour sa patience, pour sa longanimité. Chantons ce cantique. Ce cantique à Lingala, Ozali Mosantu, veut dire tu es saint, Massia, Messie. Sois loué, sois glorifié. Chantons ce cantique. Ozali Mosantu Massia, oh kumama libela nzambe na bomoi Massia kumama. Ozali Mosantu Massia, oh kumama libela nzambe na bomoi Massia kumama. Ozali liziba na bomoi, oh kumama libela nzambe na bomoi Massia kumama. Ozali Mosantu Massia, oh kumama libela nzambe na bomoi Massia kumama. Ozali libanga na bomoi, toyemeli yo libela nzambe na bomoi Massia kumama. Ozali Mosantu Massia, oh kumama libela nzambe na bomoi Massia kumama. Mbisi ya mayi bakochola bakokumisa yo nzambe na bomoi Massia kumama. Ozali Mosantu Massia, oh kumama libela nzambe na bomoi Massia kumama. Ndeke likolo bakopepa bakosanjola yo, ozali nzambe na bomoi Massia kumama. Ozali Mosantu Massia, oh kumama libela nzambe na bomoi Massia kumama. Ozali Mosantu Papa, toyemeli yo libela nzambe na bomoi Massia kumama. Ozali Mosantu Massia, oh kumama libela nzambe na bomoi Massia kumama. Kumama kumama kolonanga kumama. Kumama kumama mwana nzambe kumama. Kumama kumama kolo Yesu kumama. Kumama kumama mwana nzambe kumama. Kumama kumama yaya na biso kumama. Kumama kumama mwana nzambe kumama. Aleluya kumama, aleluya kumama. Nzambe na bomoi kumama, aleluya kumama. Nzambe na nguya kumama, aleluya kumama. Ibanga na bomoi kumama, aleluya kumama. Ibanga na ndoyo kumama, aleluya kumama. Aleluya Ayemele Massia nanga mayoyo, nanangumisa Massia nanga mayoyo, nanzambela Massia nanga mayoyo, nanangumisa Massia nanga mayoyo, ayemele Massia nanga mayoyo, nanzambela Massia nanga mayoyo, nanangumisa Massia nanga mayoyo, kumama leloyo. Toyembela ye, tokobindela ye, tokosangela ye, tokokumisa ye. Amama toyembela ye, amama tokumisa ye, amama tosangela ye. Ilenge boyembela ye, papa tokumisa ye. Wele wa ye wa. Angela, angela, angela, angela. Aleluya kumama, aleluya kumama, aleluya kumama, aleluya kumama. Nzambe nguya kumama, aleluya kumama. Izibana bomoi kumama, aleluya kumama. Ibanga na tayo Alléluia. Élève ta voix là où tu es. Dis-lui merci pour ce qu'il fait pour toi. Dis-lui merci. C'est Dieu qui t'a gardé. C'est Dieu qui s'est révélé à toi. Nous te bénissons, éternel notre Dieu, toi le Dieu qui nous a pardonnés et qui nous a délivrés. Nous t'élevons, notre Seigneur, toi le Dieu qui nous a appelés et qui nous a établis. Merci, toi qui as offert Jésus pour le salut de l'humanité. Nous bénissons ton nom, ô notre Seigneur, notre Dieu, toi le Dieu qui transforme les pécheurs. Sois magnifié, ô notre Père, toi le Dieu qui sauve et qui guérit même les gens de mauvaise vie. Nous t'élevons en ce moment et nous te glorifions. Toi le Dieu plein d'amour, le Dieu compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Reçois l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes à l'émission des prières que nous appelons en acronyme OSB, Opération sur la brèche. Nous prions selon les Saintes Écritures. Et pour aujourd'hui, notre passage de base, c'est Romains 2, 1 à 10. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Nous venons de voir dans ce passage que nous devons nous abstenir de juger les autres. Parce que en jugeant les autres, nous nous condamnons nous-mêmes. Parce que nous faisons la même chose. Prions pour que Dieu puisse nous délivrer de cet esprit de jugement. Cet esprit qui pense que le problème, c'est toujours du côté des autres, au lieu de voir soi-même. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Très excellent Père, nous te bénissons et nous te glorifions. Toi qui es Dieu d'éternité en éternité, nous exprimons notre reconnaissance pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Père éternel de nous avoir choisi, de nous avoir sorti des ténèbres pour nous transporter dans ta lumière par la mort et la résurrection de ton Fils Jésus-Christ. Ce matin, ô Père éternel, nous prions et nous te demandons de nous soutenir dans notre marche avec Christ, de nous aider par ton Esprit Saint, afin que nous ne puissions pas juger les autres, afin que nous ne puissions pas avoir cet esprit de jugement des autres, mais que nous puissions avoir le regard tourné vers nous-mêmes, parce que nous voulons contribuer à l'avancement de ton œuvre. Père, nous prions pour l'humilité, nous prions pour la paix. Nous prions pour la maîtrise de soi. Nous prions pour les éléments de notre édification personnelle dans le nom de Jésus. Nous prenons autorité sur tout esprit de jugement. Nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que tout orgueil est éloigné de nous et que l'esprit de paix, l'esprit d'humilité, l'esprit de zèle et d'engagement nous habite chaque jour. Merci Père éternel parce que que nous avons accepté de te suivre, nous avons accepté de te servir, nous avons accepté de marcher dans tes voies, contribuant ainsi à l'avancement de ton œuvre. Merci Père éternel pour la paix et la sécurité que tu nous donnes. Merci Père éternel pour l'humilité qui demeure en nous au travers de la puissance de ton Esprit Saint. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié à tous égards. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Nous venons de voir que Dieu est bon, il est patient, il est longanime, mais sa bonté devrait nous pousser à la repentance. Nous allons prier pour tous ceux qui vivent dans le péché, de manière consciente. Il y a beaucoup de gens qui viennent même dans nos églises, à la messe, ils s'en vont dans le culte, dans des programmes, mais ils ne se sont jamais repentis. Ils vivent dans la duplicité, implorons la grâce de Dieu pour que vraiment ces personnes-là n'abusent pas de la bonté de Dieu. Et si toi même qui m'entends, tu es concerné, implore la grâce de Dieu et repens-toi au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu, pour ton amour, pour ta patience, pour ta fidélité, pour ta grâce qui surabonde là où le péché abonde. Tu nous aimes parce que tu n'aimes pas la mort du pécheur, mais tu veux qu'il se repente et qu'il vive. Ce n'est pas pour autant que le pécheur doit dormir, doit vivre, doit aimer, doit se coucher, doit continuer à vivre dans le péché. Ce matin, nous voulons t'implorer, nous voulons te supplier, afin que tous ceux qui aiment le péché, qui pratiquent, qui dorment, ô Seigneur, que ton esprit les touche ce matin, que ton esprit les visite ce matin, afin que la crainte de Dieu inonde leur vie, envahisse leur vie, à l'écoute de cette parole, de ces prières, ceux qui vivent, ô Dieu, dans la débauche, ceux qui vivent dans, ô notre Dieu, notre Père, dans le péché, la cigarette, la boisson, l'impudicité, ô tous ces péchés, n'as-tu pas dit dans Galates, chapitre 6, à partir du verset 19, ô Seigneur, que ceux qui vivent dans ces choses ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Il ne s'agit pas d'aller dans une église. Il ne s'agit pas de fréquenter une église. Il s'agit de se repentir, d'entendre la parole de Dieu et de se repentir. C'est notre vœu ce matin. Restaure sa vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir les deux destinées possibles de l'humanité. Les uns iront à la vie éternelle, à la gloire, à l'honneur. D'autres seront frappés par le jugement et la condamnation. Oui, que chacun de nous choisisse sa voie. Toi, tu dois être de ceux-là qui ont choisi Jésus, qui ont choisi la vie éternelle, qui ont choisi l'honneur, la gloire. Mais il y a peut-être dans ta famille, tes amis, qui sont encore de l'autre côté. Tu vas avoir compassion d'eux, tu vas intercéder pour eux, parce que à cause de la vie qu'ils mènent, ils vont subir le juste jugement de Dieu s'ils ne se repentent pas. Implore la grâce divine et prie pour que Dieu te donne même l'occasion de leur parler de Christ. Priez pour ôter l'esprit d'endurcissement, l'esprit d'incrédulité qui les aveugle, afin qu'ils se repentent et connaissent que Jésus-Christ est mort pour eux sous la croix de Golgotha. Prions le Seigneur. La force dans la prière, la force dans la prière, la Père, nous te disons infiniment merci ce matin parce que tu nous as fait la grâce d'être sauvés. Merci parce que tu nous as fait la grâce de te connaître, de connaître Jésus-Christ réellement comme notre Seigneur et Sauveur. Par contre, ceux de nos signes parmi nous, autour de nous encore, oh Dieu, mijote dans le péché, dans les vices, croupisse encore dans l'endurcissement, dans la haine des choses du ciel. Et ne pense pas que le royaume des cieux existe et n'ont pas encore connaissance que l'enfer aussi existe. Père, merci parce que tu nous donnes réellement de marcher comme des enfants dignes de ton nom, de vivre dans la sanctification afin que davantage, en faisant ton œuvre, en priant pour les non-convertis, en confessant Christ crucifié dans toute notre vie, que le royaume des cieux soit notre part. Mais pourtant, Seigneur, ce matin, nous voulons nous associer à nos frères, à nos frères, à nos sœurs, à nos enfants qui sont dans nos maisons et qui ne te connaissent pas. Même certains parents n'ont pas encore connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous prions que l'esprit d'aveuglement soit ôté, l'esprit d'incrédulité soit brisé. Papa, fais que quelque chose se passe dans la vie de quelqu'un et qu'une personne se donne à toi aujourd'hui, à l'écoute de nos prières, qu'une personne se décide d'abandonner ses fétiches, d'abandonner ses vices, ses mauvaises pensées, d'abandonner l'hypocrisie, la sournoisie et se donne réellement à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Merci, papa, de fermer la voie de cette multitude que Satan a aveuglé et ouvre-nous les portes du ciel. Ouvre-nous les portes du ciel pour la gloire de ton nom. Merci et merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais rappeler notre programme Bonheur Conjugal pour les dimanches prochains. Nous aurons deux programmes. Le premier commencera à 16h jusqu'à 18h. Le deuxième de 18h à 20h. C'est pour permettre à tous d'être à l'aise dans la salle. Le thème que nous allons exploiter est celui-ci, de la cendre au diadème, tiré de Ésaïe 61, verset 3. Toi, tu es toujours dans la cendre. Depuis longtemps, les gens se moquent de toi parce que ton mariage tarde. Maintenant, viens écouter comment tu peux quitter la cendre pour porter le diadème qui est symbole de la gloire, symbole du mariage, où l'Éternel va faire de grandes choses. L'entrée est libre. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration.